just sing. Salut Phil. J'ai essayé le projet de Dr. Who là. C'est pas mal. Mais j'ai pas tout compris. Yo, oui. Yo, Phil. Good. Good job. Thank you. see you, bye.